الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 16e leçon de cette série de doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti rahimahullah. Nous avons parlé la dernière fois de l'élocution, ilm al-ada, l'élocution, comment prononcer les lettres et les mots du Coran. Nous avons dit qu'elle repose sur deux piliers, à savoir l'élocution spécifique et l'élocution commune, ada al-khas, ada al-mushtarak. Nous avons parlé de l'élocution commune, qui concerne makharij al-huruf, les zones d'articulation des huruf, des lettres. Nous en avons parlé la dernière fois. Les huruf al-halq, les lettres dans la zone d'articulation et la gorge, ou le larynx et le pharynx, comme la hamza, le ha, le ayn, le rein, le ha, le kha, les six huruf, les six lettres. Puis nous avons parlé de la zone d'articulation qui est située au niveau de la langue, les huruf ou les lisan, qui sont au nombre de 18, et puis les huruf labiales, les lettres labiales, à savoir le fa, le mim, le ba et le mim, le ba, et le fa, le ba, le mim et le waw, l'arrondi waw. Voilà. Maintenant, nous allons passer. De toute façon, l'élocution commune concerne les zones d'articulation des lettres et aussi les caractéristiques de ces lettres, à savoir l'stifala, l'sti'la, les lettres emphatiques comme le sad, le dad, le kha. On dit kha, on ne dit jamais kha, on dit kha. On ne dit jamais ra, on dit ra. خص ضغط قز خاء صاد ضاد طاء on dit pas ta on dit pas ra ri ra on dit ra on dit pas qa on dit qa وقال الذين on dit pas وقال الذين وقال on emphatise le qaf الظَّ aussi والظالمون والظالمون هم الكافرون ظا بظا. Aujourd'hui nous allons traiter inchallah brièvement par l'élocution spécifique, à savoir l'ada al-khas, et c'est ce qu'on appelle la science des qira'at, c'est-à-dire comment tu récites la qira'a de Asim, la riwaya de Shu'ba ou la riwaya de Hafs, et les voix de les riwayat Hafs comme Tariq al-Hashimi, etc., les autres voix, enfin, se spécialiser dans la qira'a. Et comment tu récites selon, par exemple, Nafi' et les riwayat de Warsh et les riwayat de Qaloun, etc. Bon, l'élocution de commune, l'élocution spécifique, elle repose sur deux piliers, sur l'osol, les fondements, et sur ce qu'on appelle le farsh. Les fondements, le farsh, j'explique le farsh, j'en ai déjà parlé, ce sont les lettres farsh, ça veut dire étalées, ce sont des mots qui sont dispersés dans le Coran selon telle qira'a. On les appelle aussi les furu', c'est-à-dire les cas d'espèce. Dans chaque qira'a, par exemple, le qira'at Nafi', Asim, Hamza, Zayat ou Ibn Kathir al-Makki, ou d'autres, il y a certains mots qui n'obéissent pas à des règles, mais qui sont spécifiques à chaque qira'a. Comme j'ai donné l'exemple, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, ça vous le trouvez dans Hafs, riwayat Hafs an Asim, et mais, وَمَا يُخَادِعُونَ, ça vous le trouvez dans riwayat ورش عن نافع وما يخادعون يا prolongation du kha, alors que dans Hafs vous avez وما يخدعون يا سكون du kha. Donc ça c'est ce qu'on appelle le farsh, c'est-à-dire certains mots qui sont qui varient, dont les voyelles varient, dont certaines portent le alif, certains non, etc. Donc ils n'obéissent pas à des règles bien spécifiques, contrairement au sol, j'ai dit. Les règles et les au sol, c'est quoi? Ce sont les fondements. Alors le premier pilier c'est les osol, le deuxième pilier c'est les furu' ou le farsh. Alors le pilier c'est quoi? Le pilier c'est comme l'idgham, comme l'ikhfa, comme l'iqlab, comme taghlid, tathqil. Donc c'est C'est ça les piliers. Les piliers, les savons, ils ont cité, bon, certains ont cité jusqu'à 37, bon, une trentaine de hauts sols. Je parle des hauts sols, bien sûr, les hauts sols, les règles fondamentales. Les mêmes souyautés, on a cité quelques-uns de ces hauts sols-là. Il a cité l'assimilation, l'idgham, ou l'insertion d'une lettre dans une autre. Je vais l'expliquer, Inch'Allah. L'idhar, c'est-à-dire le cas où, on conserve, où la lettre conserve son articulation naturelle, hein? C'est le contraire de l'insertion ou de l'élision, vous connaissez en français. L'ikhfa, la dissimulation, l'iqlab, la conversion. Donc, bon, ces quatre usul, il les a réunis dans le 30e chapitre de son Itqan. Puis il y a le med, la prolongation de la lettre plus qu'elle ne doit être prolongé à la base, et le qasr c'est le contraire, c'est-à-dire le cas où on laisse la lettre avec sa prolongation naturelle, sans ajouter une autre prolongation. Le mad ou la, et que le mad d'une lettre qui est suivie de la hamza, d'une voyelle longue qui est suivie de la hamza. Le mad et le qasr, l'imam Suyuti le cite dans le 33e chapitre de son itqan. Et puis il y a l'imala et le fath. C'est-à-dire l'inclinaison. Le fath, c'est la prononciation normale. Ba, ta, sa, ha, kha, da. Ça, c'est la fatha, le fath. L'imala, c'est l'inclinaison. L'inclinaison du son de A pour l'incliner vers le I. C'est ça l'imala. Entre les deux, entre le A et le I. Ça répond au E en français. Wadduhé, le E. Bien sûr, Hafs, il récite Wadduhé. والضحى mais Hamza al-Kisa'i autre il récite والضحى c'est-à-dire ils font ce qu'on appelle l'inclinaison. Ça Suyuti le traite dans le 30e chapitre. Puis il y a l'allègement de la Hamza, l'adoucissement de la Hamza, ça il le traite dans le 33e chapitre. Et puis bon, l'arrêt et le commencement, enfin l'arrêt et la reprise, ça, de la lecture. Comment on doit arrêter? Comment on doit commencer? Par quoi on doit commencer? Il ne faut pas s'arrêter n'importe où, il ne faut pas commencer par n'importe où dans le Coran. Hein? Ça, l'imam Suyuti le traite dans le 28e chapitre. Bon, ça, ce sont les usul, les fondements spécifiques. À chaque qira'a, il y a d'autres usul. Il y a le tafkhim, taghlid, il y a l'ikhtilas, ar-rum, l'ishmam, tasqil, la basmala aussi fait partie des usul. Certains font séparent les sourates par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'autres ne le font pas dans leur qira'a. D'accord? Certains le font juste au début, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Fatiha, mais la suite, ils le séparent comme Hamza. Donc, nous allons commencer par l'insertion, l'idgham, qui est un asl. Hein? Qui est un asl, c'est le usul, les fondements des qira'at. L'insertion, c'est quoi? L'idgham, c'est le cas où une lettre est insérée dans la lettre qui la suit. L'imam Suyuti n'a pas détaillé ce chapitre. L'itqan, vous savez, le livre, l'itqan, c'est pas un livre de qira'at, ni un livre de tajwid, c'est un livre des sciences du Coran. C'est-à-dire, il te donne une idée de chaque science. La qira'a, c'est une science, mais il te donne une idée. Sinon, il y a des livres, des volumes consacrés à ces arts-là, à savoir le qira'at et le tajwid. Nous aussi, nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus, inshallah. Nous allons aborder l'idgham. Sur quoi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons traiter l'idgham sur lequel les qura'a sont tous d'accord. L'idgham qui fait l'unanimité des Qur'an. Parce que, bon, dans les principes, il y a certains détails qui sont communs dans toutes les qira'at. Hein. Exemple du lidram qui fait l'unanimité des Qur'an, c'est quand deux lettres identiques se rencontrent et que l'une est sakin, la première, que la première lettre est sakina, porte le sukun, affecté du sukun, l'idgham est obligatoire, là, que ce soit du point de vue qira'a et aussi du point de vue linguistique, parce que les Arabes font l'idgham entre deux lettres identiques, ça ils le font tous. Exemple, faqulna drib bi'asak al-hajar, faqulna, nous avons dit idrib, frappe, idrib, c'est un verbe à l'impératif. Et darib, il se termine par un sukun. بعصاك. Il y a le ba juste après le ba qui porte le sukun. Ce ba là porte la kasra. Idrib bi'asak. Si on récite son idgham, idrib bi'asak. Mais c'est lourd. Hein? Donc on fait l'élision. On dit faqulna idrib bi'asak al-hajar. Donc le ba qui porte le sukun, il s'insère complètement dans le deuxième et le deuxième porte la shadda. On appuie sur le ba. Faqulna idrib bi'asak al-hajar. Et on ne dit pas faqulna idrib bi'asak al-hajar. C'est lourd. Donc c'est inacceptable même en langue arabe. D'accord? Ça c'est un exemple de l'insertion. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ dans sourate al-Baqara. فَمَا رَبِحَتْ. Et puis vous avez تِجَارَتُهُمْ. Donc il y a deux T qui se rencontrent. Il y a le premier T qui, le premier ta qui porte le sukun, c'est une condition dans l'idram. Enfin dans cet idram exactement. فَمَا رَبِحَتْ. On ne dit pas فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, mais on dit فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, on appuie sur le ta. اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ. Suleyman a dit au Hudhud, à l'oiseau, il lui a dit اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا. اِذْهَبْ, il y a اِذْهَبْ, le verbe à l'impératif, il se termine par le b affecté du sukun, et puis il y a bi de bikitabi. On ne doit pas réciter idhab bikitabi, on dit idhab bikitabi, donc élision complète. Idhab bikitabi hadha falqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un dans surat an-naml. Aynama takunu yudrikkum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyadah dans surat an-nisa. Aynama takunu yudrikkum, il y a deux kaf, il y a un kaf portant le sukun, il y a l'autre kaf qui est porte la Dhamma. Donc on fait l'élision complète et on dit Yudrikum. Donc vous allez lire dans le Coran, surtout bon, Coran imprimé en Arabie Saoudite, selon les Riwayat Hafs. Vous allez lire le premier kaf qui ne porte pas de sukun, ils enlèvent le sukun, et le deuxième, ils mettent la shadda pour te dire attention, il y a élision complète ici. Donc ça, les Qura sont unanimes dessus. Et aussi, bon, quand il s'agit du Noun et du Mim. Quand il s'agit du noun et du mim, pareil, seulement. Dans le cas où il y a le noun et le mim, il y a nasalisation. C'est une nasalisation runna prolongée de deux harakat. C'est-à-dire quand deux noun se rencontrent et que la première porte le sukun, on appuie sur la deuxième et on fait une runna, ce qu'on appelle nasalisation. Runna, et on la prolonge de, c'est comme on prolonge un alif, comme on dit la tadzi nafsun an nafsin. On ne dit pas an nafsin, mais on dit an, il y a le nom de an et puis le nom de nafsin, et on dit an nafsin, et on prolonge un peu le nom avec une nasalisation, on sort ce nom là avec le nez. Aynama takun, pardon, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس عن نفس. Et pareil pour le mime, parce que le mime aussi sort du nez. Attention, c'est une labiale, mais ça, le son sort du nez. وإذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون. Donc il y a le mime en appui, mais il y a un son qui sort du nez. Il y a une voix qui sort du nez. Nasalisation. Deux harakats. Deux harakats. C'est comme si on dit le temps qu'on fait quand on prolonge une voyelle longue, c'est pareil quand on fait l'idram du mim et du noun. Ils sont d'accord sur l'insertion de la lettre lam, qui porte le sukun, dans la lettre ra. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya wa qul. Le lam qui porte le sukun est juste après, il y a le ra. On ne dit pas waqul rabbi, mais on dit waqul rabbi. Waqul rabbi. Waqul rabbi. Directement. Waqul rabbi zidni ilma. C'est bon. Bal rafa'ahu Allahu ilayh. Dans surat al-Imran. Bal rafa'ahu. Bal rafa'a. On rentre le lam qui porte le sukun à l'intérieur du ra. Et on oublie le lam. Bal rabbi. بَرْ رَفَعَهُمْ وَقُلْ رَبِّي directement. On oublie le lams, il entre à l'intérieur. Dans son livre, l'Itqan, il a donné des exemples, puis il a cité comme un exemple Hal ra'aytum. Il a marqué Hal ra'aytum. Mais normalement, Hal ra'aytum, là, c'est une erreur. C'est-à-dire, il n'y a pas Hal ra'aytum dans tout le Coran. C'est une erreur. Est-ce que c'est de l'imprimeur ou Allah a'lam, ou c'est dans les livres, l'Itqan, on trouve cet exemple. Mais normalement, ça n'existe pas dans le Coran. Ya wa qur rabbi zidni ilma, c'est qur rabbi zidni ilma. C'est dans. C'est dans sourate Tahar, c'est sourate 20, sourate Tahar. Bar rafa'a Allah ilay, oui, dans sourate Al-Imran. Rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala élevé Isa ibn Maryam au ciel. Celui qui fait exception à cette règle, il fait exception dans un seul endroit du Coran. C'est, vous devez le savoir, c'est Hafs, Hafs an Asim. Hafs, dans Sourate Al-Mutaffifin, il observe une pause silencieuse entre le la, le lam et le ra. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana, dans Sourate Al-Mutaffifin. Sourate les fraudeurs. Waylul lil mutaffifin. Il dit pas kalla bal rana, il dit kalla bal. Il ne fait pas l'idram du lem dans le ra et il observe une secta. Il observe une pause silencieuse, contrairement aux autres qara'at. Riwayat Warsh al-Nafi', il dit Kalla barrana ala qulubim. Direct, il rentre le lem dans le ra. Mais dans d'autres endroits, Hafs, il respecte. Il respecte cette élision-là. وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا. Lui, l'âme entre dans l'aura. Ils sont d'accord aussi sur l'insertion de la lettre Noun qui porte le sukun ou le tanwin, puisque le tanwin c'est la même chose, puisqu'on dit kitabun. C'est vrai qu'on prononce le un à la fin, mais c'est pas marqué sur la graphie. Kitabun, on la prononce, mais ça s'écrit pas. D'accord ? Ça se marque juste par une double voyelle courte, soit de Damma, Kitabun, ou Kitabun de Fatha, ou Kitabin de Kasra. Donc ce Noun-là qui est le Noun affecté du Sukun, ou le Noun du Tanwin, ils sont tous d'accord sur l'insertion de ce Noun-là, quand il est suivi des lettres Lya, Ra, Lmim, Lam, Lwaw et le Noun, Yarmaloun. Ya, Ra, Mim, Noun, Lam et le Waw. D'accord ? Fa'il lam taf'alu, fa'in, et puis y'a Lam. Le Noun rentre dans, s'insère dans le Lam. Fa'il lam taf'alu. Houdan lil muttaqin. Il y a le Houdan, il y a le Tanwin, et puis il y a le Lam de muttaqin. Houdan lil muttaqin. On ne dit pas Houdan lil muttaqin. C'est lourd d'ailleurs. On dit Houdan lil muttaqin. Mir rabbihim. Mir rabbihim. On ne dit pas min rabbihim. Il y a le mim nun, et puis juste après, rabbihim. Mir rabbihim. Faman ya'mal mithqala dharratin khayra yara. Faman ya'mal. On ne dit pas faman ya'mal. Le nun entre, idram, entre dans le ya. Bien sûr. Mais ça, c'est dans le cas où on a deux mots différents. Sinon, si le nun et le waw, ou le nun et le ya se trouvent à l'intérieur d'un même mot, on ne fait pas l'idram. Comme par exemple, bunyanun. Bunyan, on ne dit pas bunyanun, mais on dit bunyanun. Parce que c'est un seul. فأتى الله بنيانهم من القواعد. بنيان on prononce le nun et on prononce le ya. قنوان ومن طلعها قنوان دانية. صنوان وغير صنوان. Dans sourate الرعد صنوان on dit nun et le waw, on prononce le nun même s'il y a waw devant. Par contre, s'ils se trouvent dans deux mots différents, on fait l'élision même avec runna, avec nasalisation. On dit وَمَنْ يَعْمَلْ, c'est-à-dire وَمَنْ يَعْمَلْ, le nun rentre dans l'ya et on prolonge deux harakat, deux temps, et on sort, le son sort du nez. مَنْ يَعْمَلْ مِنْ وَال. D'accord. من ولي وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Donc j'ai deux élisions ici avec Runa. من ولي ولا نصير. من ولي le nom derrière le waw et ولي le tanwin de la kasra ولي suivi du waw. Donc on fait Runa, on fait élision. ولي ولا نصير. Et non pas ولي ولا نصير. D'accord. Le nun, ça y est, le bout de la langue, tu ne touches pas avec le bout de ta langue les alvéoles de la mâchoire supérieure. Hein? Tu ne bouges, tu le touches pas avec. C'est bon? Contrairement au nun isolé, quand tu dis nun, nun, nun, nun, N, t'as le bout de la langue qui touche le O, qui touche les alvéoles. Dans la runa, non, dans l'idram, non. Ils sont tous d'accord sur l'analysation en deux temps, sauf Khalaf an Hamza. Riwayat Khalaf an Hamza, il ne fait pas la runa, sinon l'idram, il le fait. Il ne dit pas waman ya'mal, il dit waman ya'mal directement. D'accord? Donc ils sont d'accord sur cette insertion là. Ils sont aussi d'accord sur l'insertion du lam de l'article L. Et ça, vous le connaissez tous, hein. C'est ce qu'on appelle les lettres solaires, hein. Les huruf shamsiya ou les huruf al-qamariya. Parce que shams, quand on dit shams, ash-shamsu, vous avez le hamzat al-wasl, le alif, et puis vous avez le lam, et puis vous avez le shin. Seulement, le lam, vous ne le prononcez pas, vous ne dites pas al-shamsu, vous dites ash-shamsu direct. Donc le lam, il entre dans le sha, dans la lettre shin. Il entre dans la lettre shin. Et toutes les lettres qui obéissent à cette règle, on les appelle les lettres solaires, les lettres shamsiya. C'est-à-dire, ils se construisent sur la même chaîne, ils se prononcent de la même manière. Hein? Les lettres sont au nombre de 14. C'est le ta, le sa, le sad, le ra. On les a réunis dans les vers d'un poème. Tab summa sal rahiman tafuz def za na'am da'su azan nzur sharifan lil karam. De toute façon, toutes les lettres qui. La première lettre de chacun de ces mots-là. Tab summa sal ta, sa, sad, ra, ta, da. Ta, il y a des exemples, Ateb par exemple, Wattour, dans Sourate Tour, il y a Alif Lam et il y a le Ta. On ne prononce pas le Lam, il entre dans le Ta. Hein? Aussi pour le Sad, Ihdina Sirata. Sirata, on ne dit pas Al Sirata. Le Lam entre dans le Sad. Hein? D'accord? Ar-Rahman, l'Ora. Ar-Rahman, Ir-Rahim. On ne dit pas Al-Rahman. Donc le lam entre dans le ra et le ra est affecté d'une shadda puisqu'on appuie. Hein? D'accord? Par contre, il y a d'autres lettres où on prononce. Hein? Où on prononce Al-Haqqatu Mal-Haqqa. Il y a le lam et le ha. Al-Haqqa. On ne dit pas, ce n'est pas une lettre solaire, mais c'est une lettre lunaire. C'est-à-dire qu'elle se prononce de la même manière qu'on prononce le qaf après le lam. On dit al-qamaru. Al-qamaru. N'est-ce pas? Al-kitabu. On prononce le lam. Al-ilmu. Al-khayru. Donc, toutes ces lettres-là qui sont surtout les lettres du halq, faringale et laryngale, et aussi les lettres labiales, le mim, le ba, le fa et le wa, le lam ne s'insère pas à l'intérieur. Parce que déjà, la zone d'articulation s'approche de ces lettres-là. Donc ça, lam qamari et lam shamsiya, vous le connaissez. Ils sont d'accord sur le qaf, sur l'insertion du qaf dans le kaf. Et ça, vous le lisez dans Surat al-Mursalat. Alam nakhluq. On ne dit pas Alam nakhluqukum, mais on dit Alam nakhluqukum. Le qaf rentre dans le kaf. Le qaf rentre dans le kaf, puisque déjà le qaf et le kaf, c'est presque la même zone d'articulation. Hein? Le qa et le ka. Qa, qa, ka, ka, dorso-vélaire. Vous avez la langue qui touche le haut, enfin le palais enfin le voile du palais, la zone qui est molle. Hein. Et le qaf, pareil, c'est plus seulement le qaf est plus profond, donc la même zone d'articulation, il s'élide. Ils font rentrer le qaf dans le kaf. Et aussi, ils font rentrer aussi le dal dans, enfin, le dal dans le dad. Le dal dans le dad. La lettre dal et la lettre za. Vous savez, ils ont aussi presque la même zone d'articulation, hein? Le bout de la langue qui touche le bout des incisives inférieures. Donc, ذل et ذا. Comme par exemple, ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. Donc, sourate Nisa, إذ ظلموا. Vous avez إذ et ظلموا juste après. Donc, il s'élide. Normalement, c'est dans deux endroits du Coran, hein, dans Surat Nisa, ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك, et aussi ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. Il y a le ذل et le ضاد. Il y a le ذل, c'est le دال avec le pointu, et puis le ضاد, c'est-à-dire le تاء avec le pointu, avec le تاء avec le pointu, c'est ذا. Et vous prononcez Izzalamtum dans Surat Zukhruf. Donc, dans ces deux endroits du Coran, ils sont d'accord sur cette élision-là, le Zel dans le Za. Et aussi, le Ta du féminin, le pronom féminin suffixe, suivi du Del, du Da, du Del. Et aussi du Ta. Quand le Ta porte le sukun, mais le ta du pronom féminin est suivi du del, ils sont tous d'accord sur son élision à l'intérieur du del. Et aussi son élision à l'intérieur du ta s'il est suivi du ta. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبُّ أَثْقَلَتْ دَعَوْ. Il y a le ta, il y a da juste après, donc on fait une élision. أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. Dans سورة يونس قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيمان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Donc قد أجيبت دعوتكما l'exemple du ta. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على سورة آل عمران. وقالت هي لو تا دو فيمينان برونون فيمينان قالت اي لو تا دونك لو تا رونتر دون لو تا. قالت طائفة ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم يشعرون سورة آل عمران. ودت طائفة لو تا رونتر دون لو تا سي بون. Et l'inverse aussi, l'inverse concernant le ta et le ta. Vous savez, le ta rentre dans le ta. Et aussi, le ta rentre dans le ta. Seulement, là, il y a, dans cette insertion-là, vous avez, normalement, l'idgham, c'est toujours la lettre faible qui s'insère dans la lettre forte. Et ici, vous avez l'inverse. Vous avez le ta qui s'insère dans le ta. Or, le ta, elle est plus légère. Le ta, elle est sonore, elle est forte. Le ta est légère. Et là, il y a une insertion du ta dans le ta, mais attention, c'est une insertion spéciale, c'est ce qu'on appelle idram al-naqis. Insertion spéciale, on dit pas ahattu. On n'entre pas le ta entièrement dans le ta, mais on dit ahattu. C'est-à-dire que le ta qui est prononcé après, il garde les caractéristiques du ta. On dit ahattu. Ahattu. On ne dit pas ahattu et on ne dit pas ahattu. On dit ahattu. Il est grossi, il est emphatisé un peu le ta. Il est proche du ta. Seulement, on lui fait perdre certaines caractéristiques. Voilà, qalqala. Ahattu. Ahattu. Qala ahattu. La imbasatta ilayya. La imbasatta ilayya. Sans appuyer. La imbasatta ilayya yadak. Ahattu bima lam yuhatbi. Ahattu bima lam yuhatbi. Ça, c'est en gros l'idram sur lequel ils sont d'accord. Sur le reste, ils diffèrent. Ils diffèrent sur l'idram, l'insertion. Exemple, Hafs, selon Tariq Shatibia, selon la voix de Shatibia. De toute façon, la voix de Shatibia, c'est le, le, le, c'est les règles que vous apprenez, hein, que vous apprenez sur la riwayat Hafs. Et c'est sur la voix de l'imam Shatibi qui est imprimé le Coran en Arabie Saoudite et en Égypte aussi. Hein. Donc, l'élision de Hafs, يلهث ذلك, on dit يلهث ذلك. يلهث ذلك. Le ça dans le zèle. Le lhath, يلهث ذلك dans Sourate Al-A'raf. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا dans Sourate Al-A'raf. Le ça dans le zèle. Et aussi le ba dans le mim dans Sourate Hud. يا بني نوح ادي son fils يا بني اركب معنا اركب معنا il a pas dit اركب معنا il a fait l'élision entre le ba et le mim donc ça c'est spécial à la riwaya de Hafs et ça il y a divergence des قراء là-dessus par exemple ورش il ne fait pas l'élision il dit يلهث ذلك et il dit اركب معنا c'est-à-dire il fait pas l'élision ورش à part c'est اصول là il y a différence Warsh, par exemple, il fait l'idram sur le da quand il est suivi du da. Qad dalaltu. Hafs, il dit qad dalaltu. Idhan wa ma ana min al-muhtadin. Warsh, il dit qad dalaltu. Qad dalaltu. Qad dalaltu. Idhan. Qad dallu. Qad dallu. Il y a élision du dal dans le da. D'accord. Tout ce que nous avons cité sur l'idram, normalement, ça s'appelle l'idram sarir. C'est l'idram mineur. Tout ce que vous apprenez dans les petits livres du tajwid et tout, normalement, ils ne vous marquent pas l'idram. Ils vous disent idram tout court. Mais en matière de qira'a, quand on parle de l'khilaf, de qurra, on appelle ça l'idram sarir, mineur. C'est l'élision mineure. Sinon, il existe l'élision majeure. Il existe l'élision majeure. Et ça, c'est propre à Abu Amr al-Masri, Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Le qari Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Lui, il fait l'idgham majeur. C'est quoi l'idgham majeur ? C'est quand deux lettres, l'élision entre deux lettres qui sont toutes les deux mutaharrak, c'est-à-dire toutes les deux affectées de la voyelle, fatha ou kasra ou dhamma. L'idgham mineur, c'est quand la première lettre porte le sukun. Rabihat tijaratum, rabihat tijaratum. Le premier porte le second, le deuxième la kasra, il y a élision. Ici, non. Idgham majeur, c'est les deux lettres portent la haraka, la dhamma, la fatha et la kasra. Hein? Il dit, Abu Amr, rahimahullah, il dit, par exemple, ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم il y a la ذهب. متحرك بورت لا فتحة اي بسمعين بورت لا كسرة لذهب بسمعهم تولي قراء غسيت كومسا الويل دي لذهب بسمعهم وأبصار لذهب بسمعهم الفلي ليزيون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم دو متحرك دو لام بورتون دي فويل اون في با لي ليزيون شي القراء أبو عمر البصري يلدي وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم داكوغ Donc, il fait l'idram entre deux lettres identiques. Et il fait l'idram aussi entre deux lettres non seulement identiques, et même les autres qui ont la même zone d'articulation. Hein? Ça, c'est concernant l'idram. Hein? Ils sont d'accord aussi sur autre chose. Ils sont d'accord sur concernant la lettre Noun qui porte le sukun. Elle est articulé comme il est naturellement s'il est suivi des lettres laryngales et pharyngales. Le hamza, le ha, le ayn, le ha, le ghin, le kha. Le noun qui est suivi de ces lettres-là, il est bien articulé. C'est-à-dire, on prononce le noun, c'est-à-dire le bout de la langue, il touche le haut. Hmm? Il touche, c'est une occlusive, il touche le haut. On la prononce nettement. Yanhauna anhu. Yan awahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. وهم ينأون عن ينأون ايان هونا يا لو نون سوفي دو لا همزه لو نون سوفي لها اون لو برونونس نيتمون سا سي تو لي قراء سون لا سون داكور لا دسو سي سكون ابل اظهار الاظهار ان داكور سكون ابل اظهار نون بورتون لو سكون سويفي دي لتر لارانغال اي فارانغال الي ارتيكولي كوم الي ناتوريلمون داكور لا كونفيرسيون اي سون داكور سور لا كونفيرسيون دي نون en mime quand il est suivi du bas. Le nun, quand il porte le soukoun, il est suivi d'un bas, il se transforme en un mime spécial. Le mime, pour le prononcer, en les deux lèvres sont collées. C'est-à-dire, et la lèvre supérieure touche la lèvre inférieure. Mais quand ce nun-là est suivi du bas, on dit un bia. Ce mime-là, il est spécial, c'est-à-dire on ne colle pas carrément les lèvres, mais on laisse un petit espace, il y a un petit air qui sort, on laisse un petit espace, on dit « on laisse un petit espace entre les lèvres, et on fait une prolongation de deux harakats. On ne dit pas « on dit « enfin, on prolonge. « c'est ce qu'on appelle, « iqlab », la conversion. Hein, on appelle l'iqlab. Ils sont d'accord aussi sur l'ikhfa, l'occultation. Ça, c'est des règles relatives au nun. L'occultation du nun, quand elle est derrière, les lettres suivantes, le ta, le sa, le jim, le dal, le zal, le za, le sin, le sha, le sod, le da, le ta, le za, le fa, le qaf, le kaf. Enfin, le reste des harakats, le reste des lettres. Puisque les six lettres, la ringale, faringale, il y a l'izhar, il y a la manifestation, l'articulation claire, et de nun, et si elle est suivie de yarmalul, le yar, le ra, le mim, le lam, et le waou, le nun, sont six autres harakats, donc il y a l'idram, il y a l'illusion, hein, mais là, derrière le reste des harakats, il y a ce qu'on appelle l'ikhfa. L'ikhfa, c'est-à-dire qu'il est dissimulé. Kuntum. On ne dit pas kuntum. On ne prononce pas le nun. On prononce pas le nun comme il est. On ne fait pas l'illusion. On fait pas. C'est-à-dire que la langue, l'apex de la langue, le bout de la langue ne touche pas. Ne touche pas le haut, le palais. Il ne touche pas. D'accord ? Kuntum. La langue reste. Il ne monte pas jusque, il ne touche pas le haut de la bouche, enfin le palais de la bouche, ni les alvéoles. C'est comme quand on dit, si vous dites spontanément encre ou entrée, vous n'allez pas faire votre langue ne va pas toucher le haut du, enfin le plafond, le palais de votre bouche. Dites-le, dites entrée ou dites encre. Maintenant, dites « encre ». Ah ben, c'est pareil. Il y a une nasalisation. Le bout de la langue, il ne touche pas le haut. Et c'est ça ce qu'on appelle « ikhfa ».« Kuntum khayra ummatin »« Khalaqnahu min tayin ». D'accord ? Maintenant, nous allons passer au « mad » et au « qasr ». Le « mad » et le « qasr », c'est quoi ? Le « mad », c'est l'ajout de la prolongation ou la conservation de la prolongation initiale. Le « mad », c'est l'ajout. La conservation de la prolongation initiale, c'est le qasr. N'allons pas détailler. Bon, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a unanimité de Qura sur la prolongation du med l'hamz. Med l'hamz l'muttasil. C'est-à-dire, quand une hamza se trouve à l'intérieur d'un mot, une hamza se trouve à l'intérieur d'un mot et qu'elle est précédée d'une voyelle longue, il est précédé d'un waou, ou il est précédé d'un alif, ou il est précédé d'un ya. D'accord ? Comme oulaika, al-malaika, si'at, innama ya'murukum bisou'i, il y a le waou qui précède le hamza, donc je prolonge obligatoirement chez tous les Qur'an, et même en langue arabe, on prolonge. Il y a un hadith d'Ibn Mas'ud là-dessus, quand il a entendu quelqu'un réciter Innama al-fuqara Innama al-sadaqatu al-fuqara'i wal-masakini wal-amilina alayhi. Il a dit Innama al-sadaqatu al-fuqara'i. Ibn Mas'ud lui dit Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit le réciter. Innama as-sadaqatu lil-fuqara. Il a fait le mad, il a dit c'est comme ça que je l'ai récité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un hukm, c'est un des usul. Ils sont d'accord, j'ai dit sur le mad mad al-hamz al-muttasil. Autre asl, je passe maintenant à un autre asl, c'est l'allègement du hamz. La hamza, vous savez, la hamza c'est une lettre lourde. Et c'est pourquoi certains qurra l'allègent. Hafs articule beaucoup la hamza. Il fait le tahqiq, hein. Le mu'minoun, wa man amana. C'est Warsh qui fait beaucoup l'allègement de la hamza. Il dit yu'minoun. Yu'minoun. Il ne dit pas wala bi'sa al-masir, bi'sa, puisqu'il est lourd. Il dit bi'sa al-masir. Il la prononce comme ça. Wa amur ahlaka bis-salat, il dit wa amur, wa amur. Et quand il y a la liaison entre le ra et la hamza, il dit wa amur ahlaka. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle naql. Dans Usul Warsh, il y a naql. Naql, c'est-à-dire le transfert de la haraka de la hamza à la lettre qui la précède. À la base, wa amur, mur, sukun, et puis ahlaka. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit wa amur ahlaka. Il n'y a plus le sukun sur le ram, mais la fatha, il la reçoit de la hamza qui vient après. Qad aflaha man amana. D'accord? Il y a l'allègement de la hamza. D'accord? Alors, nous passons au chapitre suivant. Souhaiter lui-même ne s'est pas attardé dessus. Il a dit que ces règles sont très nombreuses. Il leur faut au moins un livre. C'est vrai que les règles qui concernent la hamza, la rencontre de deux hamza, le cas où la première elle porte une fatha, la deuxième elle porte une kasra, ou elle porte un damma, hein? etc. Quand deux hamza se rencontrent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait l'ibdal? Est-ce qu'on fait le tashil? Il y a des règles. Est-ce qu'on fait tahqiq comme Hafs? Antum ashaddu khalqa. Il les prononce toutes les deux, les hamza. Les autres, non. D'autres qurra ne le font pas. Alhamdulillah, Hafs, là, vous n'avez pas beaucoup de problèmes avec les règles de les hamza. Bon, l'autre chapitre, c'est l'imala et le fath. Ça, il le traite l'imam Suyuti dans le 30e chapitre de son Itran. Et bon, d'éminents savants ont consacré des livres sur l'imala, l'inclinaison. Parmi lesquels, le cheikh des Qurra, Abu Amr Dani, il a dit dans son livre « Le Mouaddah li madhahib al-Qurra ukhtilafim fil fath »« Fil fath wa l'imala »« Kitab l'imala l'Makki » Ibn Abi Talib. D'autres, on a fait Ibn al-Qasih, Ibn al-Tahan al-Ishbili et d'autres. L'imala consiste à incliner la fatha vers la kasra. Et le alif, voyelle longue, vers le ya. Ça répond au e en français. D'accord? Ça répond au e en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh ne faisaient pas l'inclinaison. Le Hijaz, en général, il ne fait pas l'inclinaison. Les tribus de la région de Najd vers l'est, jusqu'à l'Irak, et les tribus de Qais et de Asad ben Utamim, c'est vers cette région-là, de Riyad et tout, ils font l'imala. C'est une langue arabe éloquente. Cette imala se constate aujourd'hui chez les Libanais, les Syriens, on constate qu'ils font l'imala. Ils font l'inclinaison, faut cette inclinaison là, hein? D'accord. Le Coran, vous savez, il fut révélé par selon ce harf pour que ces tribus là peuvent le réciter facilement. Ibn Kathir al-Makki ne faisait pas l'imala, il n'y a pas d'imala chez Ibn Kathir al-Makki, et dans votre récitation de la récitation selon Riwayat Hafs que vous récitez maintenant, il n'y a pas d'imala, il y a l'imala dans un seul endroit du Coran. Un seul endroit. C'est Bismillahi Majreha wa Mursaha dans Surat Hud, quand il parle de l'histoire de Nuh. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. مجراها مجراها ومرساها. سبحان الله لي دو dans un seul verset. Et il fait l'imala de la première, il ne fait pas, il ne dit pas majreha ou amurseha, il ne fait pas l'inclinaison dans la deuxième. Si c'était une question de jihad, il le ferait. Mais ça, il l'a reçu de la bouche de Asim. C'est comme ça qu'il l'a reçu et il l'a respecté. Il n'a pas sa propre opinion personnelle dans ça. Parce que la qira'a, ça relève sur la chaîne. Ça remonte authentiquement jusqu'au compagnon, radiallahu anhum, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fatha, comme je dis, la fatha ça vient du nom fatha, c'est ouvrir, qui signifie ouvrir. Hein? Tu ouvres ta bouche en prononçant la lettre. Quand on dit ba, tu ouvres un peu ta bouche. Hein? Seulement le fatha complet hein, n'existe pas en langue arabe. Il y a toujours une légère inclinaison en fin de compte. Il n'y a pas le ba, le ta, comme ça, le ta, comme en français, le a. Les Arabes ne disent pas ça. Il y a toujours une imala. Il dit ba, ta, ha, kha, hein, qala. Quand ils prolongent, ils ne disent pas qala. Ils n'ouvrent pas la bouche comme ça. Qala. Il y a une légère imala. Alors, l'inclinaison de la fatha vers la kasra, je dis bien la fatha vers la kasra parce qu'il y a l'inclinaison de la voyelle longue vers le ya. Le alif vers le ya. L'inclinaison de la fatha vers la kasra, ça c'est surtout la lecture de l'kisa'i. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. كنستي عالية لا تسمع فيها لاغية. Il y a des lettres où il fait l'imala. Il y a certaines lettres parce que d'autres lettres il fait pas l'imala. وجوه يومئذ خاشعة. Il prononce comme ça. هل أتاك حديث الغاشية. Il y a imala. Wujuhun yu'midin khashi'a, il ne fait pas l'imala parce qu'il y a ayn et après le ayn, selon ses règles, il ne fait pas l'inclinaison. Donc, il y a l'inclinaison de la fatha vers la kasra, il y a l'inclinaison du alif vers le ya. Hein? Il y a ce qu'on appelle la grande inclinaison et la petite inclinaison. La grande inclinaison, c'est tu t'approches de la kasra et tu t'approches du ya. Mais la grande inclinaison, c'est 50%. Vous allez, par exemple, il y a le alif et le ya. C'est quand vous mettez alif, l'axe du alif et puis l'axe du ya. Entre les deux, 50%, c'est la grande imala. D'accord ? Ça, c'est la grande imala. Ce sont surtout Hamza et Kisaï qui font la grande imala. Hein? Abu Amr aussi, il fait, aussi Khalaf, Al-Bazzar, ils le font. Ils disent Wadduha, Moussa, Isa. Bien sûr, le alif, puisque quand il dit par exemple Wannajmi Iza Hawa, parce que le alif de Hawa, normalement, s'écrit Ya. Et donc, il fait l'inclinaison. Ça, c'est la grande imala. La petite imala, c'est ce qu'on appelle le taqlil. C'est ce qu'on appelle le taqlil. Warsh n'utilise, wallahu a'lam, Warsh n'utilise que la petite imala. Normalement, Warsh n'utilise que la petite imala, sauf dans Surat Taha, où il dit Tayhe, Tayhe. Donc, ça c'est Warsh, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il lit. Dans le Mushaf, il te marque par exemple. Le Mushaf, il te marque un petit point, un petit losange. Sabbih isma rabbikal a'la. Il marque un petit point en bas du ya, en bas du lam, pour te dire qu'il y a inclinaison. Il le marque sous la lettre que tu dois incliner. Hein? Et il faut faire attention de ne pas trop incliner le alif jusqu'au ya. Hein? L'akhira tu khayru laka minaloula. Il y a certains qu'on qui disent minalouli. Non, il ne faut pas faire ce qu'on appelle idja'ul ibtah. Non, il ne faut pas faire descendre jusqu'au ya. D'accord. Ça concerne l'imala. Quels sont les alifs qu'on doit incliner? Ça, je vous ai dit tout à l'heure sur le alif qui, à la base qui est un ya, et ça c'est un long sujet. Et ça fait partie des subtilités linguistiques. Mais généralement, le alif qui se trouve à la fin du mot et dont l'origine est un ya, il se prononce avec l'imala. Hein? Fasawwi, sabbih isma rabbika l'a'li, chewarsh, fahadi. Le alif dont l'origine est un waw, ils ne l'ont pas incliné. Ils ne l'ont pas incliné, le alif dont l'origine est un waw. Par exemple, wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum dans sourate al-Baqara. Khala, le alif de khala, ils l'ont prononcé alif, khala. Ils n'ont pas dit khala. Non. Pourquoi? Parce que ce alif-là, à l'origine, c'est un waw. Pour vous en rendre compte, vous n'avez qu'à dire khalaoutou. Khalaoutou. On ne dit pas khalaoutou, on dit khalaoutou. C'est un waw à l'origine. Donc la lettre radicale du verbe khala, c'est un waw et non pas un alif. Et c'est pourquoi ils n'ont pas fait l'imala. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha ala shafa hufratin. Personne n'a fait l'imala du alif de shafa. Ben pourquoi pas? Parce que le alif, c'est pas un alif d'origine, c'est un waw à l'origine. Si on le met au duel, le muthanna, on dit shafawan. Shafawan. On dit pas shafayan, mais shafawan. Et c'est pourquoi on l'incline pas. Le premier, par exemple, dans le verset de la sourate Najm, thumma dana fatadalli. Dana. Le premier verbe dana, personne n'a fait l'inclinaison. Et le deuxième, fatadallé, ils ont fait l'inclinaison. Dana, parce que le alif, à l'origine, c'est un waw, on dit dana ou tout. On dit dana ou tout. D'accord? Dans sourate Al-Qasas. إحداهما certains font l'inclinaison de فقالت إحداهما فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين سورة القصص إحداهما les filles de l'homme qui ont reçu qui a reçu موسى عليه السلام إحداهما parce que le alif de إحداهما c'est un alif dont l'origine est un ya. Ihda s'est construit sur le wazn, sur le shem, fi'la. Ihda huma, et huma, bien sûr, c'est un pronom duel. Bon. Méditez avec moi le verset suivant. Méditez. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi. Selon certains qurra, ils disent wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a. Ils font l'inclinaison. Quand nous accordons quelque bienfait à l'homme, il se détourne et s'éloigne de nous. Ça, c'est dans Sourate l'Isra. Ceux qui font l'imala font l'inclinaison de Na'a. Hein? Na'a, pourquoi ils font l'imala du Na'a? Bah, pas tout simplement parce que le alif a pour origine le ya. On dit Na'aito. Na'aito. Mais le problème, c'est que, Ajib, c'est que dans ce verset-là, ils n'ont pas, le rasme othmanien s'est marqué avec le alif et non pas avec le ya. Normalement, il doit s'écrire avec le ya pour vous dire, écoutez, il faut faire l'imala ici. Mais là, ils ont marqué le alif, le long, très vertical, un alif et non pas un ya. Et pourtant, ils ont fait l'imala. Ajib. Na'a, il y a na, et puis un trait, puis l'alif, le hamza se trouve au milieu. D'accord, Zayd Ibn Thabit? C'est comme ça qu'il l'a fait. Et le comité censeur. Est-ce qu'ils ont oublié de faire le ya au lieu du alif? Ou ont-ils commis une erreur d'orthographe? Hein? D'habitude, le alif, dans l'origine taïa, il le mettait sous forme d'aïa. Tada, rama, il met toujours. Il ne met pas un alif vertical. Il y a le alif vertical. Vous savez pourquoi? Bah parce que, selon un autre harf, un autre mode de formulation, ce verbe se lit na'a. Naa, il se lit Naa. Et ça, c'est la qira'a d'Ibn Dhikwan. Et aussi la qira'a d'Abu Ja'far. Abu Ja'far yazid ibn al-Qa'qa. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. C'est comme ça qu'il le récite lui. Nous, selon قراءة حفص et aussi selon قراءة ورش, et d'autres aussi, il récite وناء بجانبه. Et puis ceux qui font l'imala, وناء بجانبه. Ils font l'imala, même s'il y a le alif vertical. Ils ont mis ce alif vertical pour te dire attention, il y a deux lectures ici. C'est comme ça que nous avons reçu le qira'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a récité Na'a, il a récité Na'a. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si jamais ils ont mis l'ia, ils vont condamner l'autre lecture. Ils vont la tuer, ça y est, on ne va plus en entendre parler. Mais là, ils ont mis le alif pour te rappeler qu'il y a un autre harf qui se récite de cette façon-là. Mais subhanallah, ça c'est procéder de cette manière dans l'écriture, une graphie qui respecte les nuances linguistiques, phonétiques et les différents dialectes arabes, ça te donne une idée sur l'éloquence, le savoir et l'ouverture d'esprit, la piété de ces hommes qui ont écrit le Mus'haf. L'imam Zayd ibn Thabit, Abdallah ibn Zubair, Saïd ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith. Et après cela, il y en a qui disent des pseudo-intellectuels qui viennent, ils font le grand, ils font les grands intellectuels, et ils disent non, écoutez, l'orthographe coranique est défectueuse. Hein? Ils n'avaient pas, les compagnons n'avaient pas atteint un degré appréciable dans l'art de l'écriture. Hein? Subhanallah. Quand ça vient des orientalistes et des détracteurs de l'islam, c'est normal. Entre eux, bon, et la vérité. Il y a un voile, il y a un triple voile, ou un quadruple voile. Taba'allahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim ghishawa. Il y a un voile entre leurs yeux et la vérité, leur oui et la vérité. Le voile de la mécréance, le voile des préjugés, le voile des idées préconçues, et le voile du lourd passé historique, les croisades, la colonisation, et le voile aussi de leur passé, le Moyen-Âge et les dérives obscurantistes de l'Église. Quand ils parlent du Coran, ça les renvoie toujours à la tyrannie de l'Église et ses inquisitions. On peut dire que c'est normal quand ça vient, qu'il ait ce regard-là, ce regard brouillé. Il faut d'abord qu'ils se débarrassent de ces miroirs déformants qui leur donnent une image caricaturale de l'islam. Leur cœur est rouillé. Ar-ran, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont accumulé comme péché. Le croyant, quant à lui, il regarde la vérité comme elle est, à travers la limpidité de son cœur. Son corps est comme un cristal, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nour samawati wal ard mathalu nourihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja al zujaja kanaha kawkabun zurri. Allah est la lumière des cieux et la terre, l'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe, la lampe est dans un cristal. Le cœur du musulman est comme un cristal du croyant. Le cristal, on dirait un astre étincelant. Il tire son combustible d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni laxisme ni rigorisme, ni de droite ni de gauche, juste mesure. Quand ça vient de ces gens-là, de ces détracteurs de l'islam, on peut le concevoir. Mais quand ça vient de certains du'ats, alors là c'est le comble, le défaitisme. Il crie, ah non, non, ce n'est pas grave, la graphie c'est juste un art, ce qui compte c'est l'esprit de la religion, qu'est-ce que tu racontes? Subhanallah, si tu es incapable de dire la vérité, ne dis pas le faux. Il justifie des choses qui ne doivent pas être justifiées. Non, monsieur, le Coran est parfait, dans le fond et dans la forme, dans son style, dans ses idées et dans sa graphie. Subhanallah, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبَصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui battent dans les poitrines. Ça, c'est le manque de science. Quand on a un da'iya manque de science, il tombe dans ce genre d'erreur. Il suit les orientalistes dans leur propos, à savoir que la graphie du Coran est douteuse et défectueuse, etc. Bon, je vais terminer ici, Inch'Allah, pour qu'on traite un grand chapitre, Inch'Allah, la prochaine fois, sur le waqf, الوقف الابتدائي تريز انتيريسون لو كومونسمون كومون بار كوا اون دوا او دوا تون ساريتي دون الكوران دون لا ليكتور بار كوا اون دوا كومونسي اكسيتيرا اي امبورطون ان شاء الله اون فا ديتايي. فوالا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.